man. Også Olof mand. C'est alors que survient une question environnementale absolument fondamentale. Qu'est-ce que je fais avec les crottes? Woof, woof, woof.